Activité 44. 1. Bonjour Marion. Est-ce que tu es prête pour l'examen ? Salut Valentine. Oui, je suis prête pour l'examen de Madame le Duc. 2. Bonjour. Je suis Madame Olivia Laroche, la directrice de l'école. Bonjour. Anne-Marie Bourdon, la maman de Jules. Je vous remercie pour le rendez-vous. 3. Monsieur le maître, pouvez-vous m'envoyer les résultats de votre classe ? Bien sûr, monsieur le directeur. Je vous envoie les résultats tout de suite.